c'est vraiment pas une bonne chose. Voilà. Après, l'humeur qui est là, ça te servira à quoi d'avoir vu le paysage? Il y en a qui vont dire, ouais, j'ai réfléchi sur la création d'Allah, les choses comme ça, comme ça. Je dis, non. Prends un magazine, à la rigueur. Prends un magazine, regarde les photos, hein, c'est terminé. Moi, tu prends le train, tu payes de l'argent. Donc, tu vois, de gaspillage. En plus, le train, alors, je sais pas dans quel état il doit être chez eux. Je sais pas dans quel état il doit être à 7 heures. Tu vas pas être avec des jambes forcément de bien. Rien du tout. Donc, les voyages pour la Darwa, c'est bien. Les voyages pour aller visiter les parents, c'est bien. Pour la Umrah, le Hajj, voyez, ou le commerce, si tu as besoin d'en faire. Hein. Les voyages comme ça, si tu n'as pas d'utilité, c'est une perte de temps. La mania. Non, il dit pas de mal, pas d'empêchement. Nous irons dans les vacances hebdomadaires. Les congés hebdomadaires. Nous pour dire c'est par semaine quoi, mais nous c'est hebdomadaire, ça se dit en français. Alors, comme je vous dis, plus on avance, c'est plus ça me refroidit à faire les autres livres de cette série. Ah ouais. Bah, tu vois les textes, franchement. J'ai déjà fait le 3. J'ai déjà fait enseigner le 3 à des frères. Hein? Le 3? Voilà. Yanni. Ça se voit non. Je sais pas comment t'expliquer, je me rappelle plus trop, c'était il y a 2 ans quand même, ouais. Quand je l'avais fait aux frères. Mais j'étais moins choqué que maintenant avec ce livre-là. J'étais moins choqué, parce que là, je me rappelle même plus si dans le 3 c'est un Talib même qui parle ou c'est juste des gens comme ça. En tout cas, Inch'Allah, comme on a dit, c'est pour prendre des bases en guise de tremplin. Après, vous lirez dans d'autres livres et Inch'Allah, il n'y aura plus besoin de ces coutoubes-là. Ou comme je le dis souvent aux frères, un Koran Mustawa, le bon niveau, il écrira lui-même, il est de avec des bons textes, des bons exemples. Avec des mawa'iz, avec des sermons, avec des nasa'ih, des bons conseils, des tawjihat, directives, et ainsi de suite. Et bien ça là, Allah vous star. Bon. Awalan, yaqul, hawil al-jumlat al-atiya kama fil namouzaj. Donc transforme la phrase suivante, ou la phrase suivante, comme dans l'exemple. Yaqul, shahada al-waladu al-manazir. Après, ils disent quoi? Shahadat il bintu al manazir. Donc, tu passes d'un quoi? D'un sujet. Vous voyez? Masculin, singulier. Pour aller à un féminin, singulier. Donc, on dit quoi à la fin d'un verbe? Mata, ta'tanis al sakina. Vous voyez? Et la kafrara, elle est là pourquoi? L'iltika sakinein. Pour empêcher que deux lettres sakines se rencontrent. C'est tout. Mais là-bas, c'est shahadat. Avec une sukun. طيب أرسل الولد رسائل مثلا أرسلت الوالدات لا البنت نعم أرسلت البنت رسائل رسائل نعم donc la fille a envoyé les lettres. ثانيا عندك أقرأ ثاني أيوة تقرأ الكل الجملة الأصلية ثم المحولة لعب الولد ولد الكرة لعبت البنت الكرة نعم donc le garçon joue au ballon, la fille joue au ballon. Si j'avais mis كرة c'est ballon. Si j'avais dit حفظ الولد القرآن ça aurait été mieux encore. لعب الكرة c'est pas interdit. C'est bien pour l'enfant qui joue au ballon, il ne faut pas oublier le livre pour qui tu l'as fait. Tu vas le poser à la même, donc il ne faut pas leur mettre des trucs comme ça, tu vois. Il faut les inciter au khayr. Bien que c'est pas interdit qu'un enfant joue au ballon, c'est même des fois un bien si tu vois que c'est à l'enfant il a besoin de jouer, de distraire. Mais là, le but c'est quoi? C'est pas de distraire l'enfant, là c'est de former un talib même. Donc c'est bon, ce genre d'exemple, si vous pouvez s'en passer, ce serait mieux. Non. Non, l'enfant a mémorisé le cours, la fille a mémorisé le cours. Rakibat al-waladu darrajata.

Maintenant, tu mets le maudit avec Damir Muttasil. Naam. Naam. Je joue au ballon, j'ai joué au ballon. Naam. Al-Abu, c'est joué. Naam. Naam. Al-Abu, c'est joué. Fa'alifan. Ahfadu. Ahfadu al-Dars. Hafizu al-Dars. Naam. J'ai mémorisé le cours. Ou je mémorise le cours. J'ai mémorisé le cours. Ça, c'est le meilleur exemple qu'il y a dans toute la série des phrases là. Masha'Allah. Sur 8 phrases, c'est la meilleure. C'est permis le restant. Attention, je ne dis pas que c'est haram ou quoi. Mais, Hissoul Stirbeb, ce qui est préférable, c'est le meilleur exemple. Et encore, l'histoire, c'est un cours. C'est pas un cours de, je sais pas, mon Hamdassa, d'architecture ou. Là, ça devient haram. Là. Non. تفضل الرابع البخوت طعام لا celui qui en passe اركب الدراجة دراجة دراجة اركب الدراجة ركبت الدراجة نعم je suis monté sur le vélo ou la moto parce que des fois on ne met pas forcément tout en arrière des fois on met دراجة comme ça tu vois pour en abréviation. Et ça veut dire aussi une moto, mais à la base d'un rage à tout ça, ce sera un vélo. Khamisan Non, je cuisine la nourriture, j'ai cuisiné la nourriture. Saadisan Je reçois les billets, j'ai reçu les billets. Non, je réserve la place, j'ai réservé la place. Faminam. C'est pas Nazara. Regarde bien les lettres. Il y a tel. يقول انتظروا العطلة لا ذاك هو بميزة خلي الوثائق حلو كم شو كان يبغى يفتت نعم انتظرتوا العطلة يعني انتظروا سبب يعني attendre شو on avait cité de nous-mêmes il est pas dans le texte qu'on avait cité de nous-mêmes dans un cours انتظر ينتظروا c'est attendre. Alors là, c'est les vacances. طيب ثالثا يقول اكمل كما في النموذج. Complète comme dans les exemples. يقول هل تفضل كذا او كذا. طيب. Donc là, entre les deux trous, il faut mettre, en dessous, il propose Al-Ta'ira et Al-Qitar. Donc tu veux dire quoi? Hel tufaddilu Al-Ta'irata ou Al-Qitara? Donc là, on a les deux phrases. Ça, on va le laisser pour l'Yumisept, Inch'Allah, samedi. Juste on vérifie qu'on connaissait bien tous les mots, qu'il n'y a pas un mot nouveau qui soit infiltré. Ad-Darraja, Al-Sayyara, Ma'alouf. Al-Hafila, Sayyaratul Ujra, Ma'alouf. Al-Dirasa, Al-Amel. Al-Darrajatul Ula, Al-Darrajatul Siyahiyya. Ça c'est la première classe ou la classe écho. Al-Safar, Al-Auda. Là, on traduirait par l'aller et le retour. Vous voyez ? Bien que ça soit tenu, ça veut dire Al-Zahab ou Al-Rawda. Mais là, je pense qu'il va dire quoi ? L'aller et le retour. Al-Kitab, Al-Sahifa. Le livre, le journal. Al-Akl, Al-Naoum. Nourriture et le sommeil. Al-Ta'ira, Al-Qitar. L'avion et le train. On va rajouter. On va rajouter. El-Fiqh, El-Nahou.